Et bonsoir à tout le monde, bienvenue dans La Pochette. Aujourd'hui encore, comme d'habitude, je vais vous présenter un album que j'aime bien, un album qui mérite d'être écouté. Aujourd'hui, on va parler d'un duo qui chante en basse, qui fait du rock. Ça s'appelle Quartz, K-U-A-R-T-Z, si vous voulez les retrouver. Parce qu'il y a quand même pas mal de groupes qui s'appellent Quartz un peu partout dans le monde, mais pas forcément avec cette écriture-là. Ils ont sorti à ce jour deux albums et nous, on va écouter leur tout premier composé de 7 chansons. C'est un duo. On a Oyan Delavigne à la batterie et au chœur sur cet album et Ibesh Mogabur à la guitare et aux voix. Donc voilà, ils sont que deux. Comment on fait pour faire du rock quand on est seulement deux? Eh bien, c'est une formule qui existe depuis maintenant quelques années. Vous connaissez certainement les White Stripes. Eh bien, ici, ils vont utiliser la même technique, c'est-à-dire un octaveur. Un octaveur, c'est une pédale d'effet pour les guitares ou pour les basses, ou en vrai pour n'importe quel instrument, qui va prendre le signal qu'on joue, qu'on envoie à la pédale et qui va soit le baisser, soit le monter d'une octave, de deux octaves. Dans ce cas-là, Ibesh à la guitare a cet octaveur qui va descendre d'une octave, je crois, peut-être pas beaucoup plus. Et ça permet d'avoir la guitare et un vrai son de basse à côté. Les limites, c'est que ben, on peut faire deux choses différentes en même temps. Donc c'est une guitare, une basse. L'autre grosse limite, en tout cas à cette époque-là, il me semble qu'aujourd'hui on peut un peu plus jouer avec ça, c'est que les octaveurs sont très sensibles et que c'est assez difficile de jouer de vrais accords sur une guitare pour ensuite l'octaver. L'octaveur, il n'aime pas trop ça. Dans les graves, il va y avoir une espèce de gros bouillis, une espèce de bouillabaisse de basse qui va un peu rendre les choses un peu floues. Aujourd'hui, sur les nouveaux octaveurs, il me semble qu'il y a quand même des choses qui se font qui sont plutôt bien et qui marchent plutôt pas mal. Et donc pour s'accorder avec cette technologie d'octave, eh bien, il va falloir jouer des choses, je veux dire simples dans un sens harmonique, c'est-à-dire que ça va être des riffs, ça va être quelques petits accords, plutôt des accords à deux notes seulement, mais pas beaucoup plus, pour justement ne pas saturer cette pédale de basse. Et vous allez voir que du coup c'est le style entier du groupe qui va être influencé par cette simple pédale. Il y a des groupes qui existent aussi dans l'autre sens, avec un bassiste qui va octaver vers le haut, vers les aigus, pour avoir un son de guitare. Vous pouvez d'ailleurs retrouver Royal Blood qui excelle dans ce style-là. Deux albums donc pour Quartz à ce jour. Une petite souris m'a dit qu'ils étaient en train de préparer un troisième album. Je ne sais pas trop quand il doit sortir, mais je pense que ça ne va pas trop tarder. De toute façon, dans la radio Noculture, dès que je parle de quelque chose, dans les semaines suivantes, l'album suivant est annoncé. Donc ça ne devrait pas tarder pour le troisième album de Quartz. Voilà, donc je sais que j'ai croisé Ibesh ce week-end. Il m'a dit qu'il avait écouté une émission de la boîte à gants où avec Seb on discutait un peu des groupes qu'il a connus, on parlait de Quartz. Donc Ibesh, si tu nous écoutes là tout de suite, sache que vous serez les bienvenus quand on sortira votre album sur pourquoi pas une émission de la boîte à gants pour en parler. Nous en tout cas, on va découvrir le tout premier album de Quartz, duo rock stoner diront certains. Voilà, c'est un album qui n'a pas de nom, donc un éponyme comme on dit. Cette chanson, c'est sorti en 2018 et voilà, moi je vous retrouve la semaine prochaine pour la boîte à gants et je vous dis à bientôt. Salut !